بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 115 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le charh du Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On est rendu donc, toujours on est au chapitre 12 dans Kitab al-Tawhid, et le chapitre qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est Babun min ash-shirki al-isti'adatu bi ghayrillah, c'est-à-dire le chapitre au sujet du fait que de chercher le refuge en autre que Allah Azza wa Jal fait partie du shirk. Et on continue donc avec l'explication des différents points que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a expliqué dans son charh, avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur chaque point. Donc au dernier cours, on s'était arrêté sur le fait que, yani, si par exemple on trouve que quelque chose nous procure un bienfait dans la dunya, hein, eh bien ça ne veut pas dire que cette chose-là n'est pas shirk. Ça ne veut pas dire que cette chose-là n'est pas shirk. Et on a donné des exemples de ça et on a expliqué pourquoi. Hein, donc, le fait que, par exemple, quelqu'un fasse quelque chose qui est shirk, et puis qu'en faisant ce shirk, il obtienne quelque chose de bien dans la dunya, ça ne rend pas le shirk licite ou légal ou acceptable. Donc, on continue maintenant avec la suite. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a cité ici, il dit « Wa qawluhu » وعن خولة بنت حكيم أو بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Donc dans ce hadith ici, qui est rapporté selon Khawla, radiallahu anha, la fille de Hakim, elle dit qu'elle a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, quiconque descend dans une vallée, ou bien qui s'installe dans une vallée ou quelque part pendant un voyage, eh bien qu'il dise, je cherche refuge en les paroles complètes d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et s'il dit ça, eh bien, il n'y a aucun mal qui va lui arriver, ou bien il n'y a rien qui pourra lui nuire jusqu'à ce qu'il quitte l'endroit dans lequel il s'est arrêté. Et donc, c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc, c'est un hadith qui est sahih. Et ici, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire, il dit... وهذا حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها وهي زوج عثمان بن مذعون رضي الله عنه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا يعني سواء كان هذا المنزل في البلد أو كان في البر سواء كان هذا المنزل يعني مؤقتا أو منزلا غير مؤقت فقال أعوذ بكلمات الله أي الالتجأ أو التجئ إلى الله بكلماته التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى فيجوز الاستعاذة بالله عز وجل أو بصفة من صفاته عز وجل ومن باب التوسل إليه سبحانه وتعالى وكلمات الله تشمل كلمات الوحي القرآن وتشمل الكلمات الكونية تشمل الكلمات الكونية التي يأمر بها سبحانه وتعالى وينهى بها ويدبر بها الكون فكلمات الله على نوعين كلمات كونية وكلمات هي وحي وقرآن والحديث يشملها الكونية والشرعية وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور لم يضره شيء إذا قال هذا الكلمة لم يضره شيء لا من الجن ولا من الإنس حصل له الأمان حتى يرحل من منزله ذلك وهذا فيه أمان لبني آدم إذا نزلوا منزلا أن يبادروا بقول هذه الكلمة أعوذ بكلمات الله التمات يعني والتمات معناها الوافيات التي لا يعتريها نقص من شر ما خلق ما موصول أي من شر الذي خلقه لأن الخلق على قسمين خلق فيه الخير وخلق فيه الشر. Donc on va traduire jusqu'ici, après on va continuer, inshallah. Donc le cheikh, il explique que ce hadith-là, il est rapporté selon Khawla bint Hukaym, et c'est l'épouse de Uthman ibn Maz'un, radiyallahu anhu. Elle a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, quiconque descend dans un endroit ou s'installe dans un endroit. Et le cheikh explique, peu importe que cet endroit-là soit dans le pays ou à l'extérieur ou bien en dehors du pays, c'est-à-dire, il y en a dans la campagne, ou dans la forêt, ou dans la brousse, ou dans le désert, en dehors des villes. Ou bien peu importe que ce soit le fait de s'installer quelque part temporairement, ou il y en a que ce soit de façon permanente, dans tous les cas, c'est recommandé et conseillé de faire ce dua. Et de dire, « A'udhu bi kalimat illah » At-tammat. Donc je cherche refuge en les paroles d'Allah. Et ici le cheikh explique, il dit, c'est-à-dire je cherche refuge en Allah Azza wa Jal par ses paroles qui sont une attribut parmi ses attributs. Parce que Allah Azza wa Jal a l'attribut de la parole et ses paroles font partie de ses attributs. Et donc il est permis de chercher refuge en les paroles d'Allah Azza wa Jal ou en une attribut d'entre les attributs d'Allah Azza wa Jal, dans le sens de chercher un moyen de se rapprocher de lui et de faire le tawassul par ses noms et par ses attributs. Donc ça, c'est permis. Et les paroles d'Allah Azza wa Jal, ça comprend les paroles dans la révélation, c'est-à-dire le Coran, et ça comprend aussi les paroles d'Allah dans la création, c'est-à-dire les paroles par lesquelles il ordonne et il interdit et il contrôle ce qui se produit dans la création et dans l'univers. Et donc, les paroles d'Allah Azza wa Jal sont donc de deux catégories. Les paroles dans la création et les paroles dans la révélation et le Coran. Et le hadith comprend, donc c'est-à-dire quand on comprend ce hadith ici, quand il dit les paroles d'Allah, ça comprend les deux catégories de paroles. Et donc, ça comprend, par exemple, ça comprend le Coran, ça comprend la Torah, ça comprend l'Injil et ça comprend Az-Zabur, les différents livres que Allah Azza wa Jal a révélés aux différents messagers. Et c'est-à-dire que toutes ces révélations-là font partie de la parole d'Allah. C'est pas seulement le Coran qui est la parole d'Allah, mais tous les autres livres qui sont révélés auparavant aussi sont la parole d'Allah Azza wa Jal. Sauf que les livres précédents ont été soit déformés ou bien abrogés par le Coran. D'accord? Ensuite, le cheikh explique, il dit, donc quiconque dit, je cherche refuge en Allah Azza wa Jal contre les paroles complètes d'Allah, il n'y a rien qui va lui faire du tort ou qui va pouvoir lui nuire. C'est-à-dire, lorsqu'il dit cette parole-là, il ne sera pas nuit ni par les djinns ni par les êtres humains. Et il aura donc une sécurité, il sera donc en sécurité jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit-là. Et cette sécurité-là, c'est pour les êtres humains. Lorsqu'il s'installe quelque part, il devrait donc se dépêcher à dire cette parole. Je cherche refuge en Allah, ou je cherche refuge en les paroles complètes d'Allah. Et les paroles complètes, quand on dit qu'elles sont complètes, c'est-à-dire les paroles parfaites, complètes, qui ne peuvent pas être atteintes d'une faiblesse ou d'un défaut ou d'un manque ou quelque chose de ce genre. Et min sharri ma khalaq, c'est-à-dire du mal de ce qu'il a créé. Et ici, sharri ma khalaq, le ma qui est employé ici, c'est un ma qu'on appelle mausula en arabe. Donc c'est un pronom relatif ici et qui signifie, c'est comme si on disait min sharri alladhi khalaq, c'est-à-dire du mal qu'il a créé, hein, du mal que Allah a créé. Et il dit que la création est de deux catégories, la création dans laquelle il y a du bien et la création dans laquelle il y a du mal. Et il explique, il dit fal malaikatu wal mu'minun wal anbiya هؤلاء فيهم خير وأما الجن والشياطين والكفرة والفسقة والمنافقين فهؤلاء خلق فيهم شر فأنت تستعيذ بالله من شرهم سواء كانوا من الجن أو من الإنس أو من الدواب أو من الحشرات كلها يعني كلها مخلوقات لله عز وجل وقد يكون فيها ما هو شر فأنت تستعيذ بالله من شر الحيات ومن شر العقارب ومن شر السباع والكلاب تستعيذ بالله من شر شياطين الإنس والجن هذه كلمة عامة من شر ما خلق لأن ما من صيغ العموم عند الأصوليين والأسماء الموصولة من صيغ العموم يعني وأنت تستعيذ بالله من شر كل ذي شر. Donc on va s'arrêter ici, on va expliquer et après on continue. Le cheikh explique ici donc que parmi les créations, donc on a dit qu'il y a deux catégories, la création dans laquelle il y a du bien et la création dans laquelle il y a du mal. Les anges, les croyants, les prophètes, ceux-là ils ont en eux le bien, tandis que les djinns, les shayatins, les kuffars, les pécheurs, les hypocrites, hein, les gens de bid'a, ceux-là, il y a du mal dedans. Il y a du mal en eux. Et donc, tu cherches refuge en Allah Azza wa Jal contre leur mal. Et donc, peu importe qu'ils soient des djinns ou des êtres humains ou des animaux ou des insectes, yani, toutes ces choses-là sont des créatures d'Allah Azza wa Jal, et c'est possible qu'il y ait dans ces créatures du mal. Donc tu cherches refuge en Allah Azza wa Jal contre le mal des serpents, le mal des scorpions, contre le mal des bêtes sauvages, des chiens, hein, et ainsi de suite. Donc tu cherches refuge en Allah Azza wa Jal, hein, de cette façon, contre le mal des shayatins, le mal des djinns, hein. Et cette parole, quand on dit min sharri ma khalaq, eh bien ma ici, comme on a dit tout à l'heure, c'est un pronom relatif qui veut dire yani ce ou bien de ce qu'il a créé. Donc le mal de ce qu'il a créé, c'est général, hein. Et al-asma al-mawsoula, les pronoms relatifs sont parmi les termes qui impliquent la généralité, hein, qui implique la généralité, la globalité. Donc ici, quand tu cherches refuge en Allah Azza wa Jal contre le mal qu'il a créé, ça implique le mal de tout ce qui possède ou qui détient du mal ou qui contient du mal. Et le cheikh il dit ensuite wa fil Qur'an il Karim fi surat il Falaq qul a'udhu bi rabb il Falaq min sharri ma khalaq ay min sharri alladhi khalaqa min al makhluqat wa kullu makhluqin fihi sharr ولا يدفع هذا الشر إلا الخالق وكل مخلوق فيه شر لا يدفع هذا الشر إلا الخالق سبحانه وتعالى ولو سلطه عليك ما استطاع أحد أن يدفعه فمن استعاذ بكلمات الله التامات عند نزوله المنزل حصل له الأمان فلا يضره شيء حتى يرحل من منزله فهذا فيه دليل على مسائل المسألة الأولى مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل عند نزول المنزل سواء كان في السفر أو في الحضر وأن يبادر الإنسان بالاستعاذة بالله أول ما ينزل أما الذين يعملون عمل أهل الجاهلية الذين يعني كانوا إذا نزلوا منزلا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فهؤلاء سيستعيذون بالمخلوقين ويستعيذون بالجن والشياطين، وهذا فعل الجاهلية. والمؤمن لا يستعيذ إلا بالله عز وجل، لا يستعيذ بقبر ولا بجني ولا بإنسي ولا بشيء إلا بالله. وكذلك ما يفعله المشركون ويقلدهم بعض الجهلة بأنهم إذا نزلوا منزلا أو افتتحوا مصنعا من المصانع يذبحون ذبيحة يتقون بها شر الجن ويتقون بها شر العين بزعمهم، ويذبحون الذبيحة عند نزول المنزل ويلطخون الجدران أو العتبة بدم الذبيحة، أو يلطخون المكينة عندما تدور وتتحرك في المصنع بدم الذبيحة، يزعمون أن هذا يكفيهم شر العين ويكفيهم شر الشياطين والجن، فهذا من الشرك بالله عز وجل، ذبح لغير الله واستعاذة بغير الله. Donc on va traduire ce point-là, après on continue inshallah. Le Cheikh il explique ici, il dit dans le Coran, il y a dans Sourate Al-Falaq la recherche ou la demande de la protection d'Allah Azza wa Jal et du refuge en, de chercher le refuge en Allah Azza wa Jal. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ. Dit au Muhammad, je cherche refuge en le Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé. C'est-à-dire contre le mal qui existe dans ce qu'il a créé parmi les créatures. Donc toute créature dans laquelle il y a un mal, il n'y a personne qui puisse repousser le mal de cette créature excepté son créateur, Allah Azza wa Jal. Et si Allah Azza wa Jal donnait le pouvoir ou bien mettait une de ces créatures-là contre toi, eh bien personne ne pourrait repousser cette créature-là, excepté Allah Azza wa Jal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc si quelqu'un cherche refuge en les paroles d'Allah complètes, lorsqu'il s'installe quelque part, eh bien il aura la sécurité. Et il n'y aura rien qui pourra lui nuire jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Et il y a dans cela une preuve à propos de plusieurs points. Plusieurs questions. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le premier point, c'est qu'il est légiféré en islam de chercher refuge en Allah Azza wa Jal lorsqu'on s'installe quelque part ou lorsqu'on descend quelque part, que ce soit lorsqu'on est en voyage ou lorsqu'on est chez soi, on est résident quelque part. Et l'être humain doit se précipiter à chercher refuge en Allah Azza wa Jal au début de son installation. Lorsqu'il commence à s'installer, il cherche refuge en Allah Azza wa Jal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Donc il ne va pas faire comme les gens de la Jahiliya qui, à leur époque, lorsqu'ils s'installaient quelque part ou lorsqu'ils arrivaient quelque part, ils disaient nous cherchons refuge en le chef ou le maître de cette vallée contre le mal des faibles d'esprit de son peuple. C'est-à-dire qu'ils cherchaient refuge en les créatures, ils cherchent refuge en le djinn, ils cherchent refuge en des shayatin. Ça, c'est ce que les Arabes faisaient dans la Jahiliya, avant l'islam. Mais le croyant, il ne cherche refuge qu'en Allah Azza wa Jal. Il ne va pas chercher refuge en une tombe, ni en un djinn, ni en un être humain, ou ni quoi que ce soit, excepté Allah Azza wa Jal. Et donc, de la même manière, il y a des gens qui imitent ce que font certains parmi les mushrikines. Parfois, par exemple, quand il y a certains musulmans ignorants, ils imitent les mushrikines. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que s'ils vont, par exemple, faire construire une maison ou acheter une maison ou ouvrir une... faire construire un immeuble ou un bâtiment ou un endroit où on fabrique des choses... Un entrepôt ou une entreprise, hein, ou une manufacture ou quelque chose, eh bien, au début, avant de commencer les travaux ou bien avant de commencer à creuser, ils vont faire un sacrifice d'un animal à cet endroit-là pour chercher refuge contre le mal des djinns et pour repousser le mauvais œil, selon ce qu'ils prétendent. Alors, ils vont prendre un animal et ils vont l'égorger à cet endroit-là et ils vont même induire les murs ou le pied de la porte avec du sang de cet animal pour soi-disant calmer les djinns ou apaiser les djinns ou repousser le mal de ces djinns ou bien pour chasser le mauvais œil. Ou bien s'ils ont une machine, par exemple, qui va creuser le trou pour faire la maison, ils vont mettre un peu du sang de l'animal qu'ils ont égorgé sur cet appareil hein, pour creuser, pour être épargné du mal des shayatines, des djinns, et ainsi de suite. Et tout ça fait partie du shirk, puisque ils cherchent le refuge déjà en autre que Allah. Et non seulement ça, ils font un sacrifice d'un animal pour autre que Allah. Donc, il y a dans ça déjà là deux formes de shirk. Hein, Allah al-Musta'an. Le point suivant, le Cheikh il dit « Al-Mas'alatu al-Thaniya al-Hadith fihi dalilun ala anna al-Qur'an kalamullah. Lianna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam shara' al-Isti'adati bihi. والاستعادة لا تجوز بالمخلوق ولو كان القرآن ولو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم ما جازت الاستعادة به ودل على أن القرآن صفة من صفات الله وكلام الله عموما صفة من صفاته سبحانه وتعالى وإذا أردت التأمين كما يقولون على سياراتك أو على مالك أو على نفسك لا تدفع لشركة تأمين مالا بالباطل التأمين الصحيح هو أنك تستعين بالله عز وجل وتتوكل على الله عز وجل وتدعو الله وهذا هو التأمين الصحيح الذي يحفظ نفسك ويحفظ مالك ويحفظ أولادك ويحفظ دينك وعقيدتك. Donc le cheikh il explique ici, il dit la deuxième question, le deuxième point hein, dans ce hadith là, c'est qu'il y a la preuve que le Coran est la parole d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré le fait de chercher refuge en la parole d'Allah. Et al-isti'adha, donc le fait de chercher le refuge en autre que Allah, hein, en une créature, ce n'est pas permis. C'est la preuve que le Coran n'est pas une créature, mais que le Coran, hein, contrairement à ce que prétendent les Jahmiyyah et les Mu'tazila, ce n'est pas une créature, mais c'est la parole d'Allah, et donc ça fait partie des attributs d'Allah. Et par conséquent, il est permis de chercher refuge en des attributs d'Allah. Et donc, c'est la preuve que la parole d'Allah, de façon générale, fait partie des attributs, parmi les attributs d'Allah. Et le cheikh, il termine en disant, dans ce point-là, il dit, si tu veux avoir une assurance par rapport à tes biens, et être en sécurité par rapport à tes biens. Hein, comme on dit, tu veux assurer ta voiture, tu veux assurer tes biens, hein, tu veux assurer ta vie. Hein. Il dit, ne va pas payer de l'argent à une compagnie d'assurance qui vont prendre ton argent injustement. Mais plutôt, hein, tu veux la vraie assurance, eh bien, cherche refuge en Allah et demande l'aide d'Allah. Et mets ta confiance en Allah et invoque Allah, Azza wa Jal. Ça, c'est la vraie assurance. L'assurance qui est correcte et qui est bénéfique. Et c'est lui qui te préserve. C'est lui qui te préserve et qui va préserver ta vie, qui va préserver tes biens, qui va préserver tes enfants, qui va préserver ta religion et qui va préserver ta aqida. Hein? Donc ça, c'est important. Donc, yani, je vais voir où est-ce qu'on est rendu. Donc, il reste encore. On va continuer encore pour 10 minutes, inshallah. Après, on va s'arrêter. Il dit donc, Khawla bint Hakim ibn Umayyah as-Sulamiyah. يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة وكانت قبل تحت وكانت قبل تحت عثمان بن مزعون وقال ابن عبد البر وكانت صالحة وكانت صالحة فاضلة. Ici le cheikh il explique que Khawla bint Hakim c'était la fille de Umayya al-Sulamiyya. On l'appelait Umm Shuraik, c'est sa kunya. Et on il dit yuqalu innaha hiya al-wahiba. Donc il dit elle était al-wahiba. Donc ici je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par le fait qu'elle était al-wahiba, mais il mentionne ici qu'elle était l'épouse à un moment donné de Othman ibn Maz'un. Et le cheikh l'imam Ibn Abd al-Barr, il dit dans son sharh de ce hadith-là, qu'elle était, ou bien il dit plutôt à son sujet, par rapport à cette sahabiyya, qu'elle était une femme pieuse, et qu'elle était yani noble. Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit que Uthman ibn Maz'un, radiyallahu anhu, il dit « Min sadat al-muhajirin wa tuffiya fi awwal al-hijra » كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا وقبله بعدما توفي وبكى ووضع على قبره حجرا من أجل أن يعرفه فيزوره ويسلم عليه ويدعو له وهو من سادات المهاجرين رضي الله عنه. Donc le cheikh il explique ici que Uthman ibn Maz'un رضي الله عنه il fait partie des grands parmi les muhajirin, parmi les sahaba, parmi les muhajirines. Il est décédé au début de la hijra. Au début, après avoir fait la hijra, il est décédé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait, il l'aimait très fort. Et lorsqu'il est décédé, il a embrassé et il a pleuré. Et il a mis même une pierre à l'endroit où sa tombe était, dans le but de la reconnaître et pouvoir venir le visiter. Après pour faire pour lui faire passer le salam et faire des doigts pour lui. Donc il faisait partie des très grands sahaba parmi les muhajirin radiyallahu anhu, Uthman ibn Maz'un. Ensuite le cheikh il explique et il dit donc que cette femme Khawla, elle était l'épouse de ce compagnon là et c'est elle qui rapporte le hadith. Et il dit wa qawluhu a'udhu bi kalimatillahi at-tammat, yani shara'a Allah li ahli al-islam an yasta'izu bihi badalan amma yaf'aluhu ahli al-jahiliyyati min al-isti'azati bil-jinn, fa shara'a Allah ta'ala lil-muslimin an yasta'izu bi asma'ihi wa sifatihi. Donc ici le cheikh il explique que donc le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, il nous apprend ce dua, cette invocation, de dire « Je cherche refuge dans les paroles complètes d'Allah ». Il dit qu'il est donc légiféré par Allah pour les musulmans, pour les gens de l'islam, de chercher refuge en lui et en sa parole, plutôt que de chercher refuge en les djinns, comme le faisaient les gens de la jahiliya avant l'islam. Et donc, Allah azza wa jal, il nous enseigne de chercher refuge en lui seul. Cheikh Al-Fawzan, il commente ici, il dit هذا مما يفعله أهل الجاهلية وما يفعله بعض الناس اليوم الذين بقي فيهم شيء من أمور الجاهلية فالجاهلية لم تنقطع نهائيا بقي لها جذور وبقايا في الناس. Donc il dit le cheikh que les gens de la jahiliya cherchaient refuge en les djinns lorsqu'ils s'installaient quelque part ou lorsqu'ils faisaient quelque chose. Il dit, et c'est ce que font encore aujourd'hui certaines personnes. Ils ont encore en eux certaines caractéristiques de la jahiliya. Et donc, il dit, la jahiliya, elle n'est pas complètement terminée. Hein? Elle n'a pas été coupée complètement. Et elle a encore quelques racines qui restent, hein, à notre époque chez les gens. Donc ça, c'est important de s'en souvenir parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent on est à l'époque moderne. Les gens maintenant, avec la science, ils comprennent les choses, donc ils ont plus besoin maintenant de croyances religieuses ou de croire en des choses, des superstitions. Et cette idée-là, elle est incorrecte et elle est fausse parce que malgré que les gens ont découvert toutes sortes de découvertes scientifiques et toutes sortes de technologies, ils continuent encore à croire en toutes sortes de superstitions et à croire en toutes sortes d'idoles et adorer d'autres que Allah et à faire du shirk. Peut-être même encore plus aujourd'hui qu'à l'époque avant. Donc, les gens ont besoin encore plus de comprendre la réalité du tawhid et de l'islam aujourd'hui. Donc c'est très important de continuer à l'expliquer et à le faire comprendre aux gens justement, parce que comme le cheikh il le dit, il y a encore des racines de la jahiliya qui sont encore ancrées dans la mentalité des gens et dans leur compréhension. Voilà, iyadu billah. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit donc que Allah Azza wa Jalla a donc légiféré aux musulmans de chercher refuge en ses noms et en ses attributs, comme par exemple la parole d'Allah. Et le cheikh, il dit ici, « وَمِنْ صِفَاتِهِ كَلِمَاتُ اللَّهِ التَّمَّاتِ » Donc, parmi ces attributs, il y a les paroles complètes d'Allah Azza wa Jalla. « قَالَ الْقُرْتُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ قِيلَ مَعْنَاهُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر وقيل معناه الكافية الشافية وقيل الكلمات هنا هي القرآن فإن الله أخبر عنه أنه هدى وأنه هدى وشفاء وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه انتهى كلامه رحمه الله. Donc l'imam al-Qurtubi, un des grands savants de tafsir, il dit, on a dit que la parole je ne sais pas si al-Qurtubi, hein, d'ailleurs al-Qurtubi, c'est un laqab, un surnom, qui est attribué à quelqu'un qui vient de la ville de Qurtuba, qui était dans le sud de l'Espagne, la région qui était gouvernée par les musulmans pendant 800 ans. Hein, 8 siècles. Et donc la ville de Qurtuba, il y a eu dans cette ville-là un grand nombre de savants et des grands imams de l'islam. Et donc parmi eux, souvent quand ils avaient atteint des niveaux très élevés dans la science, ils écrivent des livres sur différents sujets, le tafsir, le fiqh, l'aqida, l'usul et autres. Eh bien, souvent, quand on écrit leur nom sur le livre, on va écrire Al-Qurtubi. Hein? Donc, il y en a d'autres qui viennent de d'autres villes, comme l'imam Shatibi, et d'autres qui viennent de d'autres villes aussi. Chacun, ils ont un laqab, comme ça, un surnom, qui indique, pour dire par exemple, ah, il vient de telle ville. Eh bien, ici, par exemple, Al-Qurtubi, lui, vient de Qurtuba. Mais, étant donné qu'il y a plusieurs savants, il y a Al-Qurtubi qui est connu et qui est un mufassir. Hein? Et il y a aussi d'autres savants qu'on appelle Al-Qurtubi aussi, qui ont écrit dans d'autres domaines. Donc, c'est possible que ce soit le savant de tafsir, comme c'est possible que ce soit aussi un autre. Mais ici, j'ai dit c'est le savant de tafsir, Wallahu A'lam. Et il dit ici, parce qu'il y a un autre savant qui a fait un sharh de Sahih Muslim, et qui a Al-Qurtubi comme laqab aussi. Donc, Allahu A'lam, ici, il explique le hadith. Donc, c'est possible que ce soit un autre savant. Il dit la signification de, quand on dit que c'est les kalimat at-tammat, Donc, tamma, ça veut dire complet, qui a été complété. Et donc, la parole, les paroles d'Allah qui sont complètes, qui sont parfaites, c'est ça que ça signifie. Et c'est ça, ça que le cheikh il explique. Al-Qurtubi, il dit que al-Kalimat, ici, les paroles dont on parle, c'est les paroles qui sont les paroles d'Allah. Donc, elles ne peuvent pas être atteintes ou touchées par aucun défaut, aucune imperfection. Et elles ne sont pas atteintes par les mêmes manquements que contiennent la parole des êtres humains ou des créatures. Parce que la différence, ça c'est parce que c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah, elle n'est pas comparable à la parole des créatures. Hein? Puisque Allah Azza wa Jal, il est parfait, eh bien, sa parole est parfaite. Les êtres humains, par contre, ne sont pas parfaits. Sont des créatures. Donc, leur parole, eh bien, n'est pas parfaite aussi. Il y a les imperfections dans leur parole aussi, contrairement à Allah Azza wa Jal. Il dit ensuite qu'on dit aussi que ça veut dire « al-kafiyatu shafiya », c'est-à-dire que les paroles d'Allah sont les paroles qui sont suffisantes et qui sont guérissantes. Hein, elles peuvent guérir aussi. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, وَهَذَا يَشْمَلَ الْأَمْرَيْنِ يَشْمَلَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهَا نَقْصٌ فَهِيَ تَامَّ وَيَشْمَلَ أَنَّهَا كَامِلَةً أَيْضًا بِحَيْثُ أَنَّهُ مَنْ اسْتَعَذَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ كَاشِفَةٌ وَشَافِيَةٌ. Donc il dit, ça comprend les deux choses. Donc ça, quand on dit qu'elles sont complètes, ça comprend qu'elles ne sont pas touchées par aucune imperfection. Et ça comprend aussi qu'elles sont parfaites, dans le sens que si quelqu'un cherche refuge en ses paroles, eh bien, il ne sera pas touché par un mal. Hein? Donc, elles ont les deux caractéristiques d'être kafia et shafia. Il dit, waqil, on a dit aussi que ces paroles-là, c'est le Coran. C'est-à-dire, les paroles complètes d'Allah, c'est la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, à propos du Coran, que c'est un guide et une guérison, un remède. Hudan wa shifa. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-ayatu amma. Kalimatullah ammatun. Tashmal kalimatullah al-kawniya wa kalimatullah al-shar'iya allati hiya al-Quran wa al-kutub al-munazzala ala l'anbiya li'annaha kalamullah. Donc le Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, que c'est général. C'est-à-dire, toutes les paroles d'Allah sont comprises dans cette expression-là, que ce soit les paroles d'Allah dans la création, comme par exemple ses ordres et ses interdictions, et le fait qu'il contrôle l'univers, et également les paroles d'Allah dans la révélation, et ça comprend pas seulement le Coran, ça comprend aussi les livres qui ont été révélés aux messagers précédents. Donc tout ça, c'est la parole d'Allah, ça rentre dans la parole d'Allah. Ensuite, Cheikh il dit, Cheikh Abdurrahman il explique, il dit que donc ça c'est dans le sens de l'orientation vers ceux qui هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. Donc ce doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, c'est pour nous orienter vers tout ce qui repousse le mal. Hein? Pour repousser le mal. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, « النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة وعطاها البديل عما يفعله أهل الجاهلية من الشرك والاستعاذة بالجن أعطاهم البديل وهو الاستعاذة بالله. » Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous a donné l'alternative au shirk que faisaient les gens de la jahiliya, qui cherchaient refuge en les djinns. Et cette alternative, c'est de chercher le refuge d'Allah, chercher refuge en Allah seul. Il dit, وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى بأسمائه وصفاته أن يصدق الله. Donc, dans ce cas-là, ça prouve que la personne qui cherche refuge en Allah, eh bien, c'est son devoir de chercher à demander à Allah avec sincérité lorsqu'elle se tourne vers lui, par ses noms et par ses attributs. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, فلو أن أحدا استعاذ بالله فأصابه شيء فمعنى هذا أن استعاذته فيها نقص. لو كانت استعاذته ليس فيها نقص ما أصابه شيء. الإنسان يعني يحاسب نفسه، يفكر في شأنه أن يصدق الله في هذا، فهذا هو الشرط. Donc le cheikh explique que si par exemple quelqu'un cherche refuge en Allah Azza wa Jal, puis que malgré ça il y a un mal qui lui arrive, eh bien le cheikh il dit ça veut dire qu'il y a une défaillance dans sa recherche de protection d'Allah. C'est-à-dire qu'il y a un manque, il ne l'a pas fait parfaitement ou avec sincérité. Donc s'il l'avait fait comme il faut, et s'il l'avait fait avec sincérité, et qu'il n'y avait pas de manque dans sa demande et dans sa demande de protection, il n'aurait pas eu quelque chose. Il ne lui serait pas arrivé quelque chose. Donc l'être humain, il doit se juger lui-même, se faire des comptes à lui-même et réfléchir sur sa situation et essayer d'être le plus sincère possible avec Allah, puisque c'est ça la condition pour obtenir de lui la protection. Ensuite, il dit le Cheikh Abdurrahman, wa yatawakkal fi dhalika alayhi wa yahdhur dhalika fi qalbihi. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. Donc ici le cheikh explique que l'être humain doit donc mettre sa confiance en Allah Azza wa Jal dans sa demande de protection et être présent avec son cœur lorsqu'il fait cette demande, c'est-à-dire d'être présent de cœur, c'est-à-dire il va le faire avec concentration et sincérité, et son cœur est pas ailleurs. Et il dit donc du moment qu'il fait ça, eh bien il va atteindre la chose qu'il a recherchée, c'est-à-dire il va obtenir ce qu'il voulait de la part d'Allah, et il va obtenir également le pardon de son péché. Et Cheikh Al-Fawzan il dit ici, إذا تحققت هذه الصفات في المستعيذ بالله حصل له مطلوبه أما إن نقصت هذه الصفات ربما لا يحصل على مطلوبه ويلحقه ضرر أو يتسلط عليه شيء. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc si un serviteur il n'a pas ces caractéristiques là lorsqu'il cherche refuge en Allah, il n'est pas sincère, il n'a pas la présence de cœur, ou bien il ne met pas sa confiance en Allah Azza wa Jal, eh bien c'est possible que il ne va pas obtenir ce qu'il veut, et à cause de ça il va lui arriver du tort de la part de celui qui veut lui faire du tort. C'est pour ça que c'est important de, quand on demande à Allah, de demander avec sincérité. Et c'est ça la différence aussi entre les personnes lorsqu'ils demandent. Peut-être que deux personnes vont faire le même doa et une personne il est exaucé et l'autre il n'est pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence dans la sincérité de l'un et de l'autre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera au prochain cours. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.